l'incertitude de sortir dans la rue, qui sont guidés par le besoin de travailler habituellement et qui du coup se disent bah, je ne peux pas aller manifester. Aujourd'hui, ces gens, ils vont sortir, ils vont aller dans les rues, ils vont aller bloquer le périph, ils vont aller bloquer des rocades, des rues, des ronds-points. Mais c'est des gens qui n'ont pas pour habitude de manifester. Moi, je l'ai vu sur certains réseaux sociaux, des gens qui s'entraînaient à bloquer une rocade, qui faisaient un entraînement, par exemple, samedi. J'ai vu ça dans le Loir-et-Cher, notamment. Ils faisaient ça, ils faisaient un entraînement gilet jaune. Je sais pas, peut-être qu'ils apprenaient à prendre les ronds-points, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, ils étaient là, ils avaient besoin de faire un entraînement, de se voir tous ensemble, parce qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de manifester. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que d'ailleurs, la plupart des manifestations ne sont pas déposées en préfecture. Donc, manifestation sauvage. On a face à ça un gouvernement qui dit... Non, non, les manifestations, c'est hors de question, vous n'allez pas nous bloquer le pays. Donc ils vont se retrouver avec des CRS sur la gueule. Comment vont réagir ces gens? Et puis quelle politique derrière, quel groupe politique derrière vont reprendre le flambeau en mode « mais vous comprenez, ils se sont fait taper sur la gueule ». C'est aussi ça qui m'inquiète, moi, là-dessus, parce qu'on le voyait récemment, une petite dame dans une vidéo qui était relayée, je crois, par Quotidien. Une dame qui hurlait au scandale quand elle se faisait dégager avant que Macron passe. Il faisait en effet un rassemblement à une petite quinzaine de personnes, rassemblement non déclaré. Ils se font dégager par les flics. État d'urgence oblige, ils se font dégager. Et elle gueulait en disant c'est comme ça qu'on traite les gens. Et en fait, cette personne, quand on regarde, on s'aperçoit que tous les gens qui sont là sont des gens bien blancs, bien propres sur eux, qui n'ont aucun problème dans la vie, qui sont relativement bourgeois. Et puis derrière, il y a 2-3 ouvriers. Mais on a l'impression qu'ils sont là pour l'image. Tu sais, c'est des gens qui ont l'air d'une autre classe sociale. Et finalement, tu te dis à quel point est-ce que ces choses-là peuvent être instrumentalisées ? Quelle lutte va y avoir réellement derrière et qui sont ces gens qui mènent réellement la lutte? C'est un petit peu la main de fer dans un gant de velours, tu sais, ce truc qui est bien caché et ça ressemble à un fist un petit peu. J'ai l'impression qu'on va se la prendre bien profond. Ben, c'est ce que tu décris, en fin de compte, et ce qu'on est en train de vivre là sur ce truc à plat, parce que c'est bien une mobilisation à plat. Et pas une situation pré-révolutionnaire, pas un mouvement de grève autour d'usines, pas un mouvement autour de l'hôpital, autour de la poste, autour de quartiers précis comme la banlieue, avec telle chose, il se passe telle chose autour des jeunes, ou telle minorité qui est bien visible, qui dit « voilà, je me fais assassiner, voilà ». Là, c'est l'invisible qui devient visible. C'est quelque chose qui nous parle. C'est-à-dire des gens qui refusent d'avoir une étiquette. Les gens qui refusent d'avoir une étiquette, eh bien, courez après eux et vous allez avoir quelque chose qui va être extraordinaire et vous n'êtes même pas aperçu. C'est comme le mec qui vous téléphone pour dire « tu as gagné le droit de gagner 20 millions d'euros », eh bien, à la fin, tu dois payer combien d'euros ? Voilà. Eh bien, les gens qui ne s'annoncent pas, qui ne sont pas clairs, eh bien, ce sont des gens très dangereux. Et ce que tu décrivais, Guillaume, c'est la réaction. C'est totalement la réaction. C'est de ça qu'il s'agit. C'est que ces gens-là attisent autour, et la pauvreté, elle est massive aujourd'hui, et y compris aujourd'hui autour de la classe moyenne, qui est en train de s'appauvrir, qui est jetée à la rue, qui est une paysannerie qui est prise à la gorge avec l'histoire de l'Europe, et tu rajoutes 2-3 euros de diesel, mais les gens, ils pètent un câble, et j'allais dire, à juste raison. Mais l'offre politique aujourd'hui, par rapport à ça, c'est la réaction. Donc ces manifestations, clairement, elles sont indiquées. Je veux dire, c'est pas... c'est à un moment donné, quand t'as le syndicat des flics qui dit « Nous n'allons jamais sanctionner les manifestants », ben moi, je connais pas beaucoup de manifestations qui n'ont pas été sanctionnées par la police, à part les manifestations contre mai 68... Et c'était un appel aux Champs-Élysées, rappelez-vous, où là, effectivement, c'était le soutien à De Gaulle. Eh bien, c'est ça la réaction. Eh bien, on est en face de quelque chose, comme je le décris, une polarisation. Et voilà. Et c'est tout. Et voilà. Et peut-être qu'on va terminer sur ce sujet. Donc, faites attention quand vous manifestez et avec qui vous manifestez. Il ne suffit pas de manifester. La vraie question, c'est pourquoi vous manifestez. Voilà. Donc je pense qu'il faudrait peut-être faire une pause musicale et puis après on revient au fond près du radiateur. Je suis vieille. avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever. Un petit détail oublié. Passez votre chemin, bâtard, et filez vite au wagon bar. Je fumerai ma cigarette tranquillement dans les toilettes. Partout c'est la prohibition, alcool à la télévision, papier clope manque de fric, et vieillir dans les lieux publics. C'est la prohibition, parole écrite, fornication, foutre interdit à 60 ans, ou scandale et ricanement. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever. Un petit détail oublié. Les malades sont prohibés, on les jette dans les fossés, à moins qu'ils n'apportent du blé, de la thune aux plus fortunés. Les vieux sont jetés aux orties, à l'asile, au château d'oubli. Voici ce qui m'attend demain, si jamais je perds mon chemin. J'ai d'autres projets, vous voyez. Je vais baiser, boire et fumer. Je vais m'inventer d'autres cieux, toujours plus vastes et précieux. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille sans vous voir ni loi. Si je meurs, ce sera de joie. De retour au fond près du radiateur 106.3 FM. Ce soir, avec nos invités, on avait envie de parler avec Guillaume de la journée internationale, ce 18 décembre, hein, journée internationale des migrants, qui va se tenir à 18h, dans quelques jours. C'est le collectif de sans-papiers, migrants, les syndicats, associations et marches de solidarité qui appellent à manifester et à se rassembler dans tout le pays le 18 décembre à l'occasion de la journée internationale des migrants. Une marche est organisée, il y a énormément de premiers signataires. Guillaume avait envie d'évoquer et d'en parler. Je lui donne la parole. Oui, alors bon, moi je pense que c'est vraiment une manifestation en fait qui est très importante. On sait aujourd'hui que les migrants sont... en fait, les migrants, ils ont tout plein de problèmes. Ils arrivent en France, ils se retrouvent face à des forces répressives qu'on appelle communément la police, qu'on appelle communément le gouvernement. Et en fait, ils s'en prennent plein la gueule là où ils pensent trouver une terre d'asile. Et en fait, terre d'asile, mon cul. Finalement, c'est des gens qui se retrouvent dans la merde, qu'ont vraiment besoin d'aide, qu'ont besoin de soutien, qu'ont besoin d'être entendus. Aussi, premièrement, hein, c'est vraiment ça qui est important parce que Bah on a des gens qui aujourd'hui sont perdus, que ce soit sur le plan administratif, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan médical. Ils arrivent, ils ont le droit à rien. Alors bon, forcément sur les réseaux sociaux, on verra souvent des gens du Rassemblement National, ex-Front National, faire la promotion de jolies choses qui sont octroyées aux migrants. Sachez qu'il n'en est rien. Hein. On a des gens qui arrivent, qui sont véritablement dans la merde, et bien plus dans la merde que les personnes qui se revendiquent smicards et qui diffusent de fausses informations sur les migrants. Cette journée du 18 décembre, c'est une opportunité pour eux de reprendre la parole, de se faire entendre, de montrer à quel point leur poids est important dans la société, de montrer tout ce qu'ils ont à offrir, parce que souvent on les voit comme des bouffes pognons. C'est un peu ce qu'on met en avant dans les médias. Faut se rappeler que l'immigration, c'est la culture, c'est le travail, c'est plein de choses. C'est plein de choses qu'on oublie et il faut vraiment qu'on pense à parler d'eux. Donc, cette journée, plutôt que de parler d'eux, c'est eux qui vont parler d'eux-mêmes, qui vont reprendre la parole. Comme d'habitude, hein, nous, on aime donner la parole aux primo concernés. Et ce jour-là, on n'aura pas besoin de leur donner la parole, c'est eux qui vont la prendre. Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est le fait que, au-delà du fait que, si on regarde bien sur pratiquement plus d'un siècle et demi dans la société française, c'est-à-dire l'industrialisation, comment elle s'est faite d'abord aussi avec l'importation et l'exportation de populations, et ça s'appelle les colonies, tout simplement. C'est que dès 1914, l'effort de guerre passe par la mise au travail d'une partie de la société française qui est inconnue, c'est-à-dire les femmes. Voilà, ça on l'apprend très bien, etc., etc. Mais c'est aussi, ce sont des femmes qui sont prolétarisées. Voilà, c'est ça, et c'est les femmes de prolétaires. Et il y en a un qui va se faire tuer à la guerre 14-18, c'est le prolo, et en même temps, sa femme va travailler pour l'effort de guerre. C'est quand même quelque chose qui est intéressant de voir. Et l'autre aspect de ça, c'est l'apport des colonies qui sont autour de tirailleurs, etc., qui vont être dès 14-18 au premier front et se faire massacrer par dizaines de milliers. Et en même temps, c'est la première fois que on va parler d'un prolétariat issu des ex-colonies. La meilleure preuve, c'est la mosquée de Paris, qui est fondée en 1920 par la volonté de l'État français. Pourquoi ? Parce qu'il y a effectivement plein de travailleurs des ex-colonies qui sont présents. Et il faut savoir, et ça c'est un petit détail, c'est l'Étoile nord-africaine, qui est une organisation marxiste, communiste, de travailleurs nord-africains, va être contre la création de la mosquée de Paris. Donc là, on voit bien dans ce truc-là, c'est que comment le fait religieux est utilisé pour être ce que explique Marx, l'opium du peuple, et pour canaliser la colère de certains, et de l'autre côté, comment des personnes peuvent s'organiser. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'apport, c'est pas une question d'apport de l'immigration, c'est une question, de, encore une fois, de choix stratégique, industriel, qui s'est fait dès le début du XXe siècle par l'apport de masse, parce qu'il fallait avoir des gens qui viennent travailler, parce que ce n'est pas suffisant. Le prolétariat, ce que j'appellerais le prolétariat indigène de France, n'est pas suffisant en termes de nombre. Donc il faut avoir d'autres gens qui viennent travailler avec un sous-contrat, un sous-statut. Et dès la base, la question est posée, c'est quel est mon contrat, quel est mon statut ? Et la question qui est posée à l'époque, c'est vous travaillez pendant un an dans l'usine Renault ou Peugeot de l'époque et vous faites renvoyer. La question donc, qui a toujours été la question, c'est la résidence. La résidence, c'est-à-dire de vivre en France longtemps et à un long terme. Et ça, ce n'était pas possible jusqu'au début des années 70. Maintenant, il y a un fait nouveau, c'est-à-dire que la pauvreté est telle en Afrique qu'effectivement, la mer Méditerranée est en train de devenir un cimetière. Un cimetière, je veux dire, à ciel ouvert, parce qu'on a tellement fait de guerre et on a tellement pollué là-bas et qu'on a Bolloré, Bouygues, etc., sont dans plein de marchés en Afrique, eh bien, les gens sont condamnés à aller effectivement en Europe pour essayer de trouver de la survie. Point, c'est tout. Et la réponse aujourd'hui qui est faite en 2018, c'est des remises en question telles qu'aujourd'hui, des personnes séropositives qui ne devraient pas être expulsées de France sont expulsées aujourd'hui. Voilà. Et vous retournez dans votre pays sans traitement et vous crevez dans votre pays. Point. C'est tout. Donc, il y a plein de choses qui sont remises en question au-delà du contrat de travail, au-delà de tout. Mais c'est cette forme d'invisibilité, cette société ultra-policière, ultra-contrôlable, contrôlée. On contrôle les gens. On commence par contrôler toujours l'ennemi de l'ennemi, c'est-à-dire la personne qui est que j'aime pas, c'est-à-dire l'Africain, le ceci, le cela, et vous en faites des grandes propagandes médiatiques, c'est celui qui nous vole le travail, n'est-ce pas, en oubliant de dire que cette personne est en train de travailler comme un chien, etc., sans aucun contrat, et que les entreprises qui emploient ces gens-là n'auront aucune sanction, n'est-ce pas, et en plus ils les emploient, mais ils peuvent cotiser pour la sécurité sociale, mais ils n'auront aucun droit à la sécurité sociale. Donc on est dans cette logique où effectivement, cette question du « nous », qui sommes-nous en tant que tel, qui est citoyen, qui est réellement un être humain vivant dans ce France, est divisé par des strates, mais aussi par des droits différents. Et c'est comme ça que vous pouvez aligner des gens qui se considèrent à vie français pour dire et pour taper l'autre qui abuse de la sécurité sociale. Quels que soient les chiffres qu'on peut donner dans une logique comme ça, à un moment donné, ça ne marche pas. Parce qu'on est dans l'irrationnel, parce qu'on est dans la propagande et que vous pouvez avoir tous les sociologues du monde face à Marine Le Pen, face à Macron, face à toutes ces politiques qui, depuis 20 ans ou 30 ans, ont été axées sur le raccourcissement de la résidence, la difficulté de pouvoir vivre en France, eh bien, ce n'est pas entendable, en fin de compte, de dire que l'étranger... que vous voyez dans le métro, que vous voyez tous les jours, et reste un étranger parce qu'il n'a aucun droit, parce que ceci. Et les fantasmes sont tellement durs, eh bien, qu'on ne peut plus faire du nous. Et c'est ça la question qu'il y a derrière ceci. Parce qu'on peut effectivement se balader et d'être rationnel. Sauf que là, on appelle le discours de la logique n'existe pas. Et c'est ça le problème. Parce qu'en en fin de compte, on se retrouve avec des gens qui ne peuvent pas être visibles, qui ne peuvent pas se battre, qui ne peuvent pas prendre la parole, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et les homosexuels le connaissent très bien. Ne pas prendre la parole, ne pas être visible, ça veut dire que les autres parlent de vous. Eh bien, c'est ce qui est en train d'arriver pour une partie de la société française, parce que ce sont des Français, parce qu'à partir du moment donné, vous travaillez ou pas, de manière, vous existez dans ce pays, eh bien, vous êtes un être humain, donc pour moi un citoyen, eh bien vous êtes invisible et vous êtes toujours la personne qu'il faut comptabiliser par défaut. Et cette logique de la comptabilisation par défaut fait que, en fin de compte, les gens qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, c'est-à-dire les migrants, les anciens migrants, c'est-à-dire les beurs, ce qu'on appelait les beurs, la banlieue, etc., eh bien sont toujours, les jeunes de banlieue, toujours à devoir se justifier d'exister, d'être français. La meilleure preuve s'appelle Zemmour, qui dit et qui explique et qui vend des centaines de milliers de bouquins aujourd'hui, qui est de demander, quand vous appelez Mourad, etc., vous n'avez aucun droit. Et vous, en plus, vous devez changer votre prénom. Quand on est d'une société où un mec vend des centaines de milliers de livres pour expliquer et dire que vous devez changer votre prénom, que vous deviez avoir honte de porter ce prénom-là, elle dit la question de où est-ce qu'on est arrivé comme société et comme projet de société. C'est ça le truc. Voilà, donc c'est une question qui va avec. Il y a à la fois le statut des personnes, des migrants, mais aussi, au-delà, c'est l'ensemble de la société qu'on concernait, et à commencer par toute cette migration et ces enfants d'immigrés qui, en fin de compte, aujourd'hui, qui ont la nationalité française, pour le coup, ils ne peuvent pas être expulsés, eh bien, on leur demande de changer le prénom. On leur demande de changer le prénom dans leur travail. C'est une injonction, comme les homosexuels, pendant des siècles entiers, on a à un moment donné fait une injonction à être hétérosexuel. Eh bien, ça, c'est une injonction d'être blanc tout le temps, et c'est une permanence. Voilà. Merci Mouloud, merci pour tout ça. On va passer à un autre sujet, un sujet qui est assez important. On était un petit peu tous récemment au rassemblement contre Trump, contre les impérialistes, contre la haine. Finalement, c'est un rassemblement qui rassemblait beaucoup de luttes. C'était ce 11 novembre. Après ce grand hommage aux morts de la guerre, hein, une guerre qu'on finance, en fait l'armistice, hein, 14-18, donc un hommage qui rassemblait près de 80 chefs d'État, des chefs d'État plus ou moins intéressants, plus ou moins intelligents. On avait Trump, on avait Poutine, mais on en avait plein d'autres. Et du coup, on s'est un peu tous rassemblés à République, place de la République pour être plus précis. Et je crois que Robinson et toi, vous y étiez d'ailleurs. Oui, qu'est-ce que vous avez vu ce jour-là ? Parce que moi, j'y étais, mais j'étais en tant que militant pour ACT UP. Du coup, j'ai pas trop circulé, j'ai écouté les prises de parole. Ce qu'on a compris, c'est que les FEMEN avaient réussi à faire une petite action symbolique contre Donald Trump en face de sa limousine, mais qu'elles ont été très vite arrêtées. Parce qu'on ne peut pas emmerder l'espèce de leader maximo. L'autre chose, c'est que le sentiment, c'est qu'il pleuvait. Il y avait une présence policière extrêmement impressionnante. Je veux dire, il y avait plus de policiers, de CRS mobilisés que de manifestants, mais vraiment quelque chose qui était... On confine la contestation autour d'une place, on ne bouge pas. Et on est entouré, mais à un niveau assez impressionnant de CRS, de cars. Il y a quelque chose qui est... ça fait, y aller, ça fait peur, quoi. Il y a quelque chose, et il faut de manière... Il y a le barrage de CRS avec la totale, sur l'habillage ultra-militaire. Et vous rentrez dans ça, et vous êtes dans une zone militarisée. Et vous dites qu'est-ce qui se passe. Et effectivement, moi, mon sentiment, c'est que c'était intéressant de voir qu'il y avait plein de gens qui pouvaient faire des choses, mais en même temps, ben, on est dans une zone où il ne faut pas trop bouger, quoi. Ou sinon, vous savez ce qui va vous arriver. Voilà, c'est l'impression que ça m'a donné. Et donc, du coup, nous, on était... en tant qu'ACT UP, on y était en fait avec le collectif, enfin pas encore le collectif, pardon, Won't Be Erased. D'accord. Et d'ailleurs, ce soir, on a avec nous Billy. Bonsoir, Billy. Bonsoir. Billy, tu es membre de Won't Be Erased, qui est un mouvement, pas un collectif, tu me l'as rappelé tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est, Won't Be Erased ? Alors, en fait, c'est un mouvement qui s'est créé un peu là sur le tas, littéralement. Du coup, c'est pour ça qu'on n'est pas vraiment un collectif. On est, en fait, il y a déjà tellement d'initiatives sur ce sujet, mais j'y reviendrai après, qu'on se pose la question de savoir si c'est utile actuellement de faire un collectif. Mais en fait, le Won't Be Erased, en fait, donc pour les personnes qui ne sont pas anglophones, Won't Be Erased, c'est littéralement, ça veut dire nous ne serons pas effacés. En fait, c'est un écho direct aux messages des personnes trans et intersexes états-uniennes. Depuis quelques semaines, c'est un hashtag qu'ils ont utilisé sur les réseaux sociaux pour défendre leurs droits. Tout simplement parce qu'en fait, le gouvernement Trump a fait passer une note interne aux institutions américaines. Je sais pas trop si on peut appeler ça des institutions, mais à tout ce qui est l'équivalent de notre système éducationnel, du système de santé, tout ça, pour faire de la définition du genre

visionaries, you know? You're the smartest ever.